Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Historiennes, historiens écrivent leur propre histoire. Annette Vivorca relève le défi des années chinoises à l'enquête familiale. L'historienne maîtrise la rigueur qu'exige la science historique, recherche des sources qu'il faut confronter, analyser, les articles, les ouvrages, les travaux qu'il faut consulter, les heures passées dans les colloques, les journées d'études et les semaines, les années dans les bibliothèques et les dépôts d'archives. Puis un jour, l'envie d'écrire sur soi, sur sa famille, de la Shoah à Mao. C'est à la fois un grand homme d'État, c'est incontestable. C'est aussi un philosophe. On pourrait même dire que c'est un sage. Ah oui, c'est un sage. C'est en 1970 que le ministre André Bettencourt, ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, de retour de Chine, évoquait son sentiment par rapport à Mao. Annette Vivorca, bonjour. Bonjour. Mao, un sage ? 1970, c'est la date de mon premier voyage en Chine. À écouter André Bettencourt, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, parce que Mao philosophe, Mao sage, alors que l'on savait déjà, mais peut-être n'en avait-on point conscience, mais on sait vraiment aujourd'hui qu'il a... J'ose pas dire sur la conscience, mais des dizaines de millions de morts, puisqu'on est à l'échelle de la Chine, qu'il y a eu le grand bond en avant, la grande famine, les années terribles de 1958 à 1961. Mais il a lancé la révolution culturelle, qui a été interprétée à tort par beaucoup, comme l'idée que l'on allait créer un homme nouveau et qui a séduit des gens aussi différents que, je sais pas, Alain Perfit, Roland Barthes, et puis les très jeunes gens que nous étions, qui en mai 68 étions dans la... disons, dans la nébuleuse maoïste, des gens qui n'étaient pas des crétins. Hein. Il y avait, je sais pas, Robert Linhart, enfin beaucoup de... Jacques et Claudie Broidiel, des normaliens. C'était Ulm qui était le noyau du maoïsme. 1970, votre premier voyage en Chine. Pourquoi la Chine ? Et quel était votre Mao à ce moment-là, à vous, Annette Vivorca ? Ben, le Mao, c'était l'homme... qui permettait d'accoucher d'un monde nouveau, un monde qui serait celui du bonheur, où il n'y aurait plus de différence entre les riches et les pauvres, entre les intellectuels et les manuels, entre la ville et la campagne. Donc c'était une utopie. Et quand on regarde un peu l'histoire, j'étais très jeune, hein, parfois on me dit, vous intellectuel, je suis pas tout une intellectuelle, j'étais maîtresse auxiliaire en français dans un collège de banlieue, donc j'avais rien d'une intellectuelle à l'époque. Mais quand on regarde un peu le recul, je viens de relire la nouvelle édition du Zéro et l'Infini de Koestler, j'ai relu pour mes tombeaux, autobiographies de ma famille, j'ai relu les trois tomes de l'autobiographie de Manès Perber, parce que Manès Perber avait été interné dans le même camp en Suisse que mon père, Abi Vivorca, et je me dis que tout avait déjà été dit et écrit sur ce type d'utopie meurtrière. D'ailleurs, la question se pose tout de suite, Annette Vivorca. Mes années chinoises, c'est l'ouvrage que vous avez publié récemment chez Stock. Mais il y avait déjà un ouvrage par le passé, L'écureuil de Chine, où vous aviez évoqué tout ce qui vous était arrivé en Chine. Absolument, absolument. Les années chinoises, c'est ce que j'appellerais une reprise, mais une reprise transformée, modifiée, de ce premier ouvrage qui était effectivement L'écureuil de Chine. Dans Tombeau autobiographie, j'explique largement ce que veut dire écureuil et le nom de Vivorca. Ça nous conduit en Pologne, effectivement. Qui nous conduisent effectivement en Pologne. Et Moi, j'ai pas commencé, j'ai fait des études d'histoire. Des études de lettres d'abord, des études d'histoire ensuite. Mais mon premier écrit, il était autobiographique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire qu'en une quarantaine d'années, j'ai fait comme le Tour de France, quoi, une grande boucle qui me ramène à mon histoire familiale. Mais écrire des livres, c'était ce dont j'avais envie très tôt, très vite. D'ailleurs, en évoquant ces 40 ans, Annette Vivorca, dans Mes années chinoises, vous dites que c'est le temps qu'eurent les Hébreux à traverser le désert. Il y a ce clin d'œil au moment d'évoquer la Chine à ses origines et cette histoire qui conduit au tombeau. Mais c'est vrai que la question se pose et c'est très intéressant. Vous avez donné un élément de réponse. Pourquoi aujourd'hui revenir avec ces deux ouvrages successifs, Mes années chinoises et Tombeau, à votre propre histoire et plus globalement à celle de votre famille? Disons que c'est une boucle qui retrouve ses premiers écrits des années 1970. Oui, et puis quand je regarde un peu autour de moi, je constate que nous faisons tous ou presque ce mouvement arrivé à un certain âge, qui est l'âge de la retraite, l'âge où les obligations professionnelles sont derrière nous, et on pense toujours qu'on est unique, ce qui est vrai, on est unique. Mais comme disait Marc Bloch, l'homme ressemble davantage à son temps qu'à ses pères, P-E-R-E-S. Et on a tous ce mouvement qui est celui d'avoir envie de comprendre ce qu'a été notre vie, et quand on estime que notre vie peut présenter quelque intérêt pour d'autres que nous-mêmes, de la coucher sur le papier. Dans ce sens-là, je suis d'une banalité qui me désole. Ah oui, mais nous, ça nous ravit, Annette Vivorca, parce que ces deux ouvrages, Mes années chinoises et Tombeau, que nous évoquons particulièrement aujourd'hui, sont une narration très particulière. Et c'est vrai que moi, j'insiste beaucoup sur le plaisir de lecture, et cette narration nous embarque dans votre propre histoire. Mais dans cette recherche de vous-même, quelque part, de votre propre histoire et de celle de votre famille, il y a cette forme particulière. D'ailleurs, c'est écrit récit. C'est récit, c'est pas livre d'histoire, c'est pas mémoire. Ces récits. Mais est-ce que vous diriez que l'ensemble de votre bibliographie, puisqu'il faut utiliser ces mots-là, tous vos ouvrages, quelque part, et peut-être inconsciemment, j'en sais rien, sont des éléments, peu à peu, qui permettent de comprendre votre histoire? Vous avez, quelque part, aussi réfléchi à tout cela pour arriver aujourd'hui à ces ouvrages? Oui, je pourrais dire ça. Je raconte la vie des deux branches de ma famille, immigrés juifs de Pologne dans les années 20. Du côté paternel, une famille tout à fait baroque, un grand-père qui m'a toujours fasciné d'aussi loin que je me souvienne, qui était journaliste et écrivain, novelliste surtout. Donc je pense que s'il y a une graine de l'écriture dans la famille, puisque nous avons tous écrit des livres dans ma fratrie, elle vient de ce grand-père. Et un autre grand-père en apparence plus idéal type du juif émigré, tailleur, à regarder plus près, il y a quand même aussi une originalité. Mais ce grand-père écrivain est mort à Auschwitz. Et je pense que tout mon travail de recherche, mon premier travail de recherche, a porté effectivement sur le désir de comprendre comment avait fonctionné en général la mémoire. C'est ma thèse « Déportation et génocide ». Et puis ensuite, j'ai créé un volume sur Auschwitz. Mais je me suis aussi intéressé aux juifs communistes. Et c'était la mouvance politique de ma famille dans le titre maternelle. Oui, c'est ça. Ils étaient juifs résistants communistes. Aucun des membres de ma famille n'a été de famille directe, n'a été vraiment résistant. Et puis au communisme avec Maurice et Jeannette. Le communisme, c'était un peu lié aussi à mon expérience chinoise, qui fait que je me suis intéressé à tous les communismes. Et puis avec ma collègue et néanmoins amie Danielle Vollmann, Nous avons fait un livre qui s'appelle Triste grossesse. Et ce livre Triste grossesse, c'était l'histoire des époux Bach qui, quand Ginette était enceinte de son cinquième enfant, a laissé mourir le quatrième, une petite fille qui s'appelait Danielle. Et ça a été les débuts du planning familial. Mais c'était un intérêt pour les questions de contraception et d'avortement, parce que dans ma famille, il y avait une histoire qui avait empoisonné la vie de la famille, qui était une histoire d'avortement. Et je dois dire que c'était banal dans ces années-là. 1946, dans le département de la Seine, la répression de l'avortement était plus sévère que pendant Vichy, grâce à un juge qui s'appelait Goletti, qui était obsédé par les avorteurs et surtout les médecins avorteurs et les avortés. Alors je dois dire que même quand j'écris des récits autobiographiques comme Mes années chinoises et Tombeau, je les écris aussi parce que être historienne, quand vous avez exercé ce métier pendant, je sais pas, 40, 50, enfin, je ne compte pas le nombre d'années, c'est pas une profession, c'est une identité. Et cette identité fait que chaque fois que vous écrivez quelque chose de personnel, vous avez envie de jeter un coup d'œil pour savoir ce que ça a de commun avec les autres. Et puis il y a la démarche. Vous l'avez évoqué, Annette Vivorca, dans votre thèse, il y a ce mot mémoire. La mémoire est quelque chose. Il y a cette mémoire véhiculée souvent par la famille. D'ailleurs, c'était le cas. Vous avez pu vous appuyer dans votre écriture sur des récits que vous avez récupérés des uns et des autres autour de vous. Oui, quand je suis rentré de Chine en 1976. Après donc un militantisme qui avait dû commencer avant, un peu avant 68, comme toute ma génération, c'était l'indignation violente contre la guerre américaine au Vietnam, et c'est ça qui a été en fait la matrice des mouvements étudiants dans le monde entier. Donc quand je suis rentré de Chine, ça a été un moment très très difficile. Ça a été une sorte de révision déchirante. Et à cette époque-là, j'ai pensé que si j'avais été aussi loin, parce qu'on était beaucoup à être Mao, mais on a été très peu à aller enseigner 2 années dans la Chine de la Révolution culturelle. Si j'avais été aussi loin, c'est qu'il y avait une double cassure dans l'histoire de ma famille, qui était la cassure de l'immigration et la cassure de la Shoah. Et j'ai entrepris la biographie de mon grand-père, l'écrivain et journaliste Wolf Wiewiórka. Et pour cela, j'ai interrogé très très longuement mon père, mon oncle, et puis d'autres personnes qui avaient vécu pendant la guerre avec eux. Et j'ai pas réussi à écrire ce livre parce que je pense que je manquais de maturité, peut-être aussi que c'était difficile d'écrire une histoire quand les protagonistes étaient là. Mais j'ai tout conservé. Et pendant 40 ans, j'ai rassemblé de la documentation. Je donne un exemple. Il y a 23 ans, l'aîné de mes petits-enfants, Émile, à Grenoble. Donc je suis allé à Grenoble pour sa naissance, et puis beaucoup quand mes 3 petits-enfants nés à Grenoble étaient petits. J'ai fait la connaissance de Tal Brutmann, qui était tout jeune, hein, il y a 23 ans, mais qui travaillait aux archives départementales de l'Isère, où j'étais allé pour jeter un petit coup d'œil. Et j'ai sorti, donc il y a 23 ans, tous les documents qui concernaient le séjour à Grenoble des membres de ma famille maternelle, quand ils ont fui Paris au moment de la rafle du Veldiv. Et mon grand-père et ma mère ont passé, ma tante ont passé la guerre à Grenoble. Donc au fil de 40 ans, un peu comme des petits cailloux, j'ai rassemblé toute une documentation et c'est le fruit de ces récits et de ces témoignages, plus un peu de recherche d'archives et une mise en récit un peu particulière qui m'a permis d'écrire cet ouvrage. Tombeau, autobiographie de ma famille, publié au Seuil. Annette Vivorca, historienne que vous êtes, vous savez combien le témoignage est un objet qu'il faut manipuler avec précaution. Mais quand le témoignage est un témoignage familial, est-ce que vous aviez déjà intégré des précautions pour aborder ce document? Il faut le dire, c'est un document. Et vous avez évoqué les archives. Avez-vous confronté ces témoignages aux archives? Oui, oui, oui. Et ce que j'avais déjà constaté, c'est que la fiabilité du témoignage est supérieure à ce qu'on croit. Et quand il y a plusieurs sortes de témoins, quand le témoin n'est pas mythomane, ne cherche pas à s'attribuer des mérites ou des souffrances qu'il n'a pas connues. Et ce que j'ai constaté de tous les témoignages, c'est-à-dire ceux que j'ai rassemblés, ceux qui ont été donnés dans des collectes de témoignages, c'est que le plus souvent, ils étaient d'une grande fiabilité. Et que les archives, elles étaient ce qu'elles étaient. Et notamment parce que cette famille est une famille d'immigrés, ils ont besoin de papiers, hein, de cartes d'identité d'étrangers, et qu'ils déclarent un peu ce qu'ils ont envie de déclarer. L'exemple que je préfère, c'est celui de mon grand-père paternel, Wolf Wiewiórka. J'avais toujours entendu dire qu'il était né en Pologne, dans une ville qui s'appelle Gérardów. En 1978, Serge Klarsfeld publie le mémorial de la déportation des Juifs de France qui a causé une émotion considérable parmi tous les survivants et descendants de ces familles décimées pendant la guerre. Et là, que vois-je? Que mon grand-père, Wolf Wiewiórka, est né à Minsk. Je dis à mon père: « Tu ne m'avais jamais dit que ton père était né à Minsk. » Et il me répond: « Penses-tu? La preuve, je peux te montrer les vrais faux papiers. » Et j'ai, à la maison, je rends grâce d'ailleurs à tous les membres de ma famille qui, avec générosité, m'ont toujours laissé les archives familiales. J'ai le vrai faux passeport magnifique russe avec un cachet de cire. J'ai donc le vrai faux passeport de mon grand-père, réfugié russe, né à Minsk. Or, ce que veut dire mon père, c'est que quand on l'interroge, notamment à Berlin, il est passé par Berlin ou à Paris, il donne des éléments faux d'une identité qu'il est impossible de vérifier. Et à partir de ces éléments faux, on fait une vraie carte d'identité. Sa compagne, s'ils n'ont jamais été mariés, parce qu'elle était mariée en Pologne, sa compagne, sur les papiers, elle est Rosa Feldman. En réalité, elle s'appelait Gitele, mais elle a émigré avec les papiers de sa sœur. Ce sont des choses qu'on voit encore aujourd'hui. Donc, parfois, vous trouvez dans les archives des éléments qui ne sont pas exacts. Très souvent, les noms propres sont esquintés. Par exemple, le dossier de l'indemnisation de mon grand-père maternel, Raskiel Perelman, devient Pekelman. L'administrateur provisoire déclare: il est en camp de concentration. Or, il n'a jamais été en camp de concentration, puisqu'après la rafle du Veldiv, ils ont réussi à passer clandestinement la ligne de démarcation et à se réfugier à Grenoble. Donc, le renseignement des archives n'est pas exact. Donc, tout doit se manipuler avec délicatesse, précaution, réflexion. Et le témoignage et l'archive sont des compléments indispensables, et c'est une extraordinaire richesse quand on peut disposer des deux. C'est une leçon hein, que vous donnez aussi, une leçon de méthode, se méfier de l'archive, parce que bien souvent le document, voilà, le sacré ne document... Ne sacralisons pas mais oui. l'archive, mais bénissons l'archive, oui. parce que c'est elle qui permet de reconstituer quand même beaucoup de choses. Et puis parfois, un tout petit détail. Par exemple, ma famille paternelle se retrouve à Nice, c'est de Nice qu'elle sera déportée. Et je suis allé, bien évidemment, aux archives des Alpes-Maritimes. Et je n'ai trouvé pas grand-chose, mais une surveillance policière d'un café à Nice. Et un rapport disant que Wolf Wieczorka y jouait aux échecs avec une trentaine de personnes aussi louches que lui. Et ce petit détail qui est que mon grand-père était dans un café à Nice avec, je pense, des immigrants comme lui à jouer aux échecs, ça me permet de voir qu'il a reconstitué à Nice la même sociabilité qui était celle de Paris. Donc, dans un petit détail, vous pouvez réimaginer, parce qu'il faut aussi un peu d'imagination, une vie. Donc, l'archive est indispensable, mais il faut la regarder avec circonspection. Et puis avec émotion, dans le cas que nous évoquons, puisque l'historien, l'historienne, regarde l'archive avec, pas méfiance, pas parce qu'avec un intérêt majeur, mais il sait qu'il faut prendre une certaine distance. Et puis, là, ici, il y a ce lien très fort, c'est la famille. L'émotion, Annette Wieczorka, comment l'assumez-vous au moment de trouver une archive? Il y a quelque chose, il y a un frisson, c'est obligatoire. Alors bien évidemment, il y a un frisson. Il y a un frisson, il y a une joie extraordinaire. Je note quelque part que la joie du chercheur, quand il trouve un détail qui n'intéresse que lui, elle est difficile à décrire, elle est difficile à comprendre. Mais il y a aussi de l'émotion. Et l'écriture qui n'a pas la contrainte universitaire, elle peut laisser l'émotion. Alors, je ne dis pas le pathos, hein. J'espère qu'il n'y a aucun pathos dans mes écrits, mais l'émotion. Et alors, on la ressent de façon très particulière. Je vais donner un exemple. Mon père avait une sœur Anna, qui était sa sœur préférée, et dont je porte d'ailleurs le prénom transformé, qui était mariée à Lev Tchentovski. Ils étaient à Nice, avec mes grands-parents, et Lev Tchentovski avait été naturalisé dans les années 30. Il était donc français. Anna et Lev Tchentovski, Anna Niewiewiorka, étaient français. Vichy entreprend la procédure de dénaturalisation. Et j'ai donc le dossier de naturalisation et de dénaturalisation. Et Lev Tchentovski est dénaturalisé en juin 1944. Il est à Auschwitz depuis la fin octobre 1943. Très probablement déjà assassiné. Et là, de voir une machine administrative qui travaille pour dénaturaliser cet homme sur lequel, note le dossier, il n'y a aucun renseignement défavorable, alors qu'il est décédé, là, il y a une émotion violente. Sinon, on contraint, même quand on écrit de façon autobiographique, on essaye de contraindre l'émotion, de contenir l'émotion, en tout cas dans l'écriture. Il y a ce que dit l'archive, et il y a ce qu'elle ne dit pas, ce que l'on ne retrouve pas. Et dans ce cas, Annette Wieczorka, c'est peut-être aussi d'ailleurs... l'explication du titre « Tombeau » que vous publiez, c'est ces mystères, ces silences, ce vide qu'il faut combler et imaginer éventuellement. Et là, c'est toute votre carrière d'historienne aussi qui aide à comprendre ce qui s'est passé. On ne sait pas, parfois c'est juste un numéro, il y a des destinations, il n'y a pas grand-chose. Ça a été, je mets ça entre guillemets, une découverte, au sens d'une découverte, mais une prise de conscience. Les nazis envahissent avec une brutalité inouïe la zone italienne. Et comme l'administration de Vichy a traîné les pieds, n'a pas fait le même travail qu'elle a fait ailleurs, c'est la violence, on déculotte les hommes dans la rue pour voir s'ils sont circoncis, et toute ma famille paternelle et Roger Perelman, qui était le frère aîné de ma mère, sont déportés dans le même convoi, qui est le convoi numéro 61 du 28 octobre 1943, qui est aussi le convoi d'Arnaud Klarsfeld, le père de Serge Klarsfeld. Donc j'avais été voir une première fois Serge Klarsfeld en 1979. Il était déjà Serge Klarsfeld, mais pas le Serge Klarsfeld d'aujourd'hui. Et moi, j'étais simplement un petit prof d'histoire au lycée Voltaire. Et il m'a donné toute la documentation. Là, quand je fais ce travail, j'ai donc la liste de ce convoi. Je m'aperçois d'ailleurs que c'est dans ce convoi qu'ont été déportées la femme et la fille de l'historien Jules Isaac. Mais c'est là qu'ont été déportés pratiquement tous les miens. J'ai donc la liste. Et c'est un convoi dont on sait, par Serge Klarsfeld, qu'à peu près 400 personnes, donc un nombre important sur les 1000, sont rentrées dans le camp. Et j'ai ma liste de personnages qui sont dans le tombeau, et j'aimerais bien savoir qui est rentré et qui n'est pas rentré. Et là, je m'aperçois, en consultant les deux grandes bases d'archives, c'est-à-dire celle du camp d'Auschwitz, j'écris à Piotr Sivinski, qui est le directeur du camp, et celle d'Arolsen. J'avais fait le rapport sur le pillage des appartements de la mission Matteoli avec une toute jeune femme, Florian Azoulay, qui depuis est devenue la responsable de ces archives. Donc, ils mettent leurs archivistes, ils me répondent très très vite, et on ne peut pas savoir. Cela veut dire que s'il n'y a pas de témoignage d'un camarade de déportation, ou si la personne n'a pas survécu, on ne sait pas si la personne a été immédiatement assassinée dans une chambre à gaz à l'arrivée, ou si elle a vécu quelque temps dans le camp. Alors je sais qu'il y a... et les déductions, on peut déduire. On peut se dire, bon, les enfants ne sont pas rentrés, les gens âgés ne sont pas rentrés. Mais mon grand-père, Wolf Wiewiórka, qui était aux alentours de la cinquantaine, qui était un intellectuel fluet. C'était pas un athlète, petit. Si il n'avait pas eu de témoignages d'autres écrivains yiddish, notamment de ceux déportés tardivement en août 44 du ghetto de Lodz, j'en aurais déduit qu'il n'était pas rentré dans le camp. C'est l'émotion que nous ressentons, et dans le même temps, le travail de l'historienne. Il y a ce va-et-vient sans cesse, qui est extrêmement délicat à cerner, parce que la déduction ici, qui est le travail de l'historienne, s'ajoute à quelque chose qui est très fort et qui est là, charnel. J'avais envie de vous demander s'il est possible de s'en départir, mais en fait, c'était peut-être pas utile de mettre l'émotion de côté. L'émotion peut très bien aller avec la démarche scientifique de recherche. Absolument, absolument. L'émotion, comment dire ? J'ai enseigné l'histoire longtemps et je savais très bien qu'il fallait raconter, susciter une émotion, et que c'est après que l'on pouvait accéder à une compréhension. Donc cette espèce de partition entre l'émotion et la raison, elle est artificielle. Et puis il y a l'écriture. Marc Bloch parlait de tour du potier. Il faut trouver l'écriture qui est adéquate à ce que vous voulez dire. et à ce que voulait que les gens lisent. Donc je pense que c'est tout un mélange qui, bien évidemment, n'est pas conscient. Hein. Quand vous asseyez à votre table, vous ne dites pas « Ah, je vais mettre de l'émotion, de la raison, de l'intelligence ». Il y a aussi un mouvement qui est le mouvement de votre propre écriture. Hein. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que au moment de s'installer et de commencer à écrire un ouvrage « Mes années chinoises » ou alors « Tombeau », l'autobiographie de votre famille Annette Vivorca, la question vraiment se pose. Quelle forme donner à un ouvrage? C'est très complexe. Hein. Est-ce que la forme est réfléchie ou est-ce qu'elle s'impose à vous? Je pense que il y a les deux, elle s'impose. Je commence par... ce premier tombeau qui est celui de ma tante Berthe, Bernemann née Perelman. Elle est décédée en 2012, très vieille dame. Il y a une belle longévité chez les Perelman. Et avec mon cousin, nous avons vidé son appartement. Elle est décédée sans descendance et sans rien. Sans bien, sans œuvre. Et ce qui pour moi a été poignant, c'est de voir qu'elle ne laisserait pas de traces. Nous avons ramassé pieusement toutes les photos, toutes les correspondances, et j'ai une conscience très nette que dans une ou deux générations, plus personne ne se souviendrait d'elle. Et ça a été un premier mouvement d'écriture que j'ai fait dans les temps qui ont suivi son décès et que je n'ai pas poursuivi. Donc, ce qui s'est imposé, c'est de commencer mon récit par la disparition de cette tante que je connaissais bien sans la connaître, bien évidemment, puisque nous avons habité le même immeuble pendant quelques dizaines d'années. Ça donne le vertige hein, de se plonger dans les archives d'une vie, dans l'intime aussi d'une personne. Et là, le travail de l'historienne fait que vous avez tout de suite des documents. Vous voyez comment raconter une histoire. Oui. L'histoire est là. Ça, c'est du côté Perelman. Il y a le côté Vivorca aussi qui nous conduit en Pologne. Amerika hat erklärt, sie macht die Welt bekannt. Als England muss aufgeben, die in das ganze Land. Wir tanzt in alle Gassen, in die Stieben ist freilich. England schreibt schon hinter, an nahe im jüdischen Mehlach. Nur sorgt nicht jeden in Zeit zufrieden, auf unsere Zorres will nehmen an Erk. Als Gott wird geben, wir werden erleben, werden wir all jeden kein Eretz Israel weg. Nur sorgt nicht jeden in Zeit zufrieden, als unsere Zorres will nehmen an Erk. Als Gott wird geben, wir werden erleben, werden wir all jen kein Erz Israel weg. Amerika hat erklärt, sie macht die Welt bekannt, als England muss aufgeben, die Jiden das ganze Land. Wir tanzen in alle Gassen, in die Stieben ist freilich, England schreit schon hinter, an einem jüdischen Mählach. Sur l'album « Chant des ghettos juifs de Pologne et de Lituanie » d'Adrienne Cooper, il y a eh bien, ce chant du ghetto de Lodz réapproprié. Annette Vivorca, dans ce chant yiddish, Adrienne Cooper porte une culture. Il y a aussi, et là c'est le travail de l'historienne, le moyen de saisir un univers. Cet univers dans lequel évoluaient des gens. Quand cet univers est celui de la famille, nous pourrions penser qu'il est déjà complètement intégré par la personne. Mais dans votre cas, cette culture yiddish, vous l'avez retrouvée. Vous êtes parti à la recherche de la culture yiddish. Ce chant dont je n'ai pas pu comprendre toutes les paroles, ça montre aussi qu'il y avait de la joie, il danse dans toutes les rues. Et c'est un univers très riche qui a été cette enfin ce qu'on appelle la Yiddishkeit, cet univers tissé autour du Yiddish, auquel appartenaient mes deux grands-parents, et surtout Wolf Wiewiórka, pour qui être juif était parler et écrire en Yiddish. Donc il y a eu une culture extraordinaire. Et puis c'était leur monde à eux. C'est déjà moins le monde de mes parents, et c'est pas du tout notre monde. Quand je dis nous, c'est pas du tout le monde de notre génération, née dans l'ombre portée de la guerre. Parce que la rupture a été violente. Mon Wolf Wiewiórka était donc écrivain et journaliste yiddish. Il écrit des articles en 39, notamment lors d'une discussion qui a animé le monde juif, qui était le retour au ghetto. Il écrit qu'il vit une période, que les juifs vivent une période où il est impossible de ne pas être juif et difficile de l'être. Et effectivement, le nazisme et tout ce qui s'est répandu après a détricoté l'assimilation. Il a détricoté la possibilité pour un juif de ne pas l'être. Puisque le juif, selon le nazi, était défini par sa généalogie. Donc vous ne pouviez pas ne pas être juif. Et c'est ce qui s'est passé en France avec les définitions de Vichy et de l'occupant allemand. Et lui pensait qu'il fallait retourner à la culture yiddish, aux grands écrivains qu'il citait, Mendeleïm Ohr's Forim, Yitzhak Lebouche Peretz, Shalem Alerem, Shalom Hash. Et que c'est en se réenracinant dans cette culture-là que les Juifs, après l'épisode nazi, pourraient réintégrer le monde. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que la Shoah mettrait pratiquement fin, mettrait fin, presque fin, à cette culture. Et je pense que dans ma famille, du côté de mon père, qui a tellement aimé le sien et tellement aimé cette culture et cette vie, il y a ces années du fameux restaurant de la rue d'Ulm, qui était vraiment le grand lieu où se réunissaient les écrivains et les peintres pauvres, très très pauvres, et que nourrissait ma grand-mère, il a vraiment aimé cela. Mais quand il attend le retour de son père, qui a été signalé, puisqu'il est mort, il a vécu quand même 15 mois à Auschwitz, dont on sait presque rien. Quand il prend conscience qu'il ne reviendra pas, lui aussi rompt, en quelque sorte. Pas complètement, mais pratiquement. Et mes cousins Wiewiórka et mes frères et sœurs, nous n'avons pas été élevés dans cette culture. J'ai tenté de la retrouver, j'ai tenté. J'ai appris un peu de yiddish, j'ai dans mes multiples activités, j'ai co-dirigé avec Yitzhak Niborski, Rachel Ertel et Jean Boumgaten, 1000 ans de culture ashkénaze, donc j'ai, disons, un petit vernis culturel, mais ce n'est pas quelque chose de vécu. Moi, ma culture, elle est de l'école républicaine. C'est la méritocratie républicaine qui nous a fait tous ce qu'on est. Oui, puis vous ne facilitez pas la tâche, Annette Wiewiórka, parce que dans vos années chinoises, vous expliquez que vous avez appris le chinois. De toute façon, vous dites bien, il n'y avait rien à faire le soir, 3 heures de chinois, voilà. Mais que ça, une conversation, voilà, vous comprenez plus ou moins un article, vous saisissez le sujet. Voilà, à peu près. Pour le yiddish, parce que là, on a quelque chose de familial. Est-ce que dans la recherche d'une identité, alors je ne sais pas si c'est un mot global qui convient, mais dans cette recherche de compréhension, de culture yiddish, il y a la langue. Apprendre la langue, c'est une chose. Mais après, il y a autre chose. Il y a un univers. Et ça, où peut-on le saisir? Comment avez-vous fait? Alors, je pense que Ma grande chance a été les écrits de Wolf Wiewiórka. Et puis, j'ai lis tout ce qui paraît sur, enfin, ou j'ai lu tout ce qui paraissait sur ces questions-là. J'ai lu beaucoup de traductions de littérature yiddish. Donc, je pense que c'est ça qui m'a permis de saisir cet univers pour lequel j'ai eu pendant de très longues années une nostalgie très douloureuse. Mais qui est un univers qui a disparu, même s'il existe maintenant des lieux comme la Maison de la Culture Yiddish, tout voué au Yiddish et un certain nombre de gens qui parlent. Et si le Yiddish est la langue vernaculaire des milieux qu'on appelle Haredi, c'est-à-dire les milieux ultra-orthodoxes qui se retrouvent aux États-Unis, en Israël, par exemple, la série The Shtisel que certains auditeurs ont peut-être vu, que j'adore, elle est en partie en yiddish. Il y a un retour du yiddish dans les films et les séries américaines ou israélien. Dans la démarche que vous adoptez, Annette Wiewiórka, Mes années chinoises, on peut le comprendre. Hein, c'est qu'il y a une expérience de vie que vous racontez, que vous aviez racontée dans les années 1970 avec l'écureuil. Bah là, vous le racontez de nouveau, longtemps plus tard. Alors, c'est intéressant parce que on voit l'évolution de la pensée, il y a une analyse, il y a cette démarche-là, presque de témoignage. Dans Tombeau, quelle est la démarche? Vous l'avez évoqué en citant tante Berthe, il y a l'idée de laisser une trace aussi. Je suis né donc dans les années d'après-guerre. Hein. Je suis ce qu'on stigmatise aujourd'hui un baby-boomer. J'ai eu quand même le sentiment que nous étions la dernière génération à être en interface avec ce monde. C'est-à-dire à avoir ce que les spécialistes de la mémoire appellent une mémoire vive, c'est-à-dire une mémoire qui est encore transmise par les récits ou les non-récits et par la présence de gens de la famille. Et que nos enfants et nos petits-enfants n'auraient plus cette mémoire. Donc l'idée, c'est que quand même de faire connaître aussi ce qu'a été ce monde, qui est celui de mes parents, de mes grands-parents, mais qui est pour mes enfants celui de leurs grands-parents, de l'arrière-grands-parents, et pour mes petits-enfants, alors là, voilà. Donc, c'est cette idée. Et en écrivant, je trouve quand même que ces gens sont magnifiques, qu'ils méritent au sens littéraire du terme un tombeau. Ce sont des gens dans la famille paternelle, maternelle, même paternelle aussi, des gens de peu, des gens modestes, mais des gens qui ont fait preuve d'un courage, d'une vitalité, d'une capacité à saisir la vie, à vouloir construire des vies qui méritent qu'on se souvienne d'eux. Il y a presque ce paradoxe d'avoir intitulé cet ouvrage publié au Seuil, Annette Wiewiórka, Tombeau, au sens où le tombeau est la pierre qui ferme. Et à l'inverse, vous ouvrez quelque chose avec ces tombeaux. Oui, parce que là, le tombeau, c'est aussi une pièce littéraire ou une pièce musicale en l'honneur du mort. Donc, disons que c'est un terme polysémique et chacun peut y mettre ce qu'il veut. Donc non, je ne les enferme pas dans un tombeau. Je leur fais un tombeau pour ceux que personne ne visite. Qui va visiter la tombe de mes oncles Berthe, Raoul, de ma tante Esther? Et pour ceux qui n'ont pas de tombeau, comme Wolf Gittele, Lef Rana, Heinz et Thérèse, Donc c'est ça le sens que j'ai donné au tombeau. Mais c'est pour qu'ils vivent dans les mémoires. Le genre biographique a longtemps été décrit, mais maintenant c'est terminé en histoire. La biographie est légitime, avec toujours ce piège dans la biographie de mettre l'histoire au sens de l'histoire générale qui dépasse l'individu avant l'individu. L'individu n'est qu'un prétexte pour raconter une histoire beaucoup plus large, celle du temps dans lequel il a vécu. Ça aussi, Annette Vivorca, c'est quelque chose à quoi vous avez pensé en écrivant Tombeau, de bien mettre la personne telle qu'elle était, ne pas juste raconter une histoire et dire, ben voilà, la personne était là à ce moment-là. Alors, tout l'effort que j'ai fait, c'est de ne pas me placer en surplomb. C'est-à-dire, se placer en surplomb, c'est celle qui sait ce que ces personnages ne savent pas. Et notamment, la fin de l'histoire. Donc, mon effort, ça a été ça. C'est-à-dire d'être... Alors, j'aime pas cette expression, écrire l'histoire à hauteur d'homme, ça veut pas dire grand-chose. Mais ça a été d'essayer de me mettre là où ils étaient. Et notamment, pendant la période de la guerre, où il est tellement difficile et important d'essayer de comprendre ce qu'il savait et ce qu'il comprenait. Donc c'est ça qui a été mon effort. Et aussi de ne pas faire de grands développements historique, mais d'écrire uniquement ce qui était nécessaire à la compréhension de leur histoire. Être là où ils étaient tout de suite. Essayer d'être là. Et puis je suis retourné sur les lieux. Et voilà, c'est ça. Dans les années chinoises, vous le dites bien, quand vous retournez sur certains lieux, vous éclatez en sanglots, vous dites ça m'arrive pas si souvent. Et dans Tombeau aussi, il y a l'idée d'aller sur les lieux, de retrouver les lieux. C'est très important, ça. Oui, aussi. Alors, en retrouvant les lieux, on retrouve parfois pas grand-chose. Voilà. Donc, je m'étais mise dans la tête qu'il fallait absolument que je refasse le parcours que mon père Abby, mon oncle Méni et leur ami Jacob Paxiars, Jaco, avaient fait pour aller en Suisse, clandestinement. Il s'est donc passé par un col qui s'appelle le col de Cou, 1927 mètres, et l'été, pas cet été-là, mais l'été d'avant, j'ai refait ce trajet avec des amis. Pascal Cornuel, Igno Didache, Montagnard, puis mon amie Françoise Rosenzweig, on a fait cette montée au col de Cou qui a été merveilleuse. Et j'ai été très heureuse de repasser, enfin de faire ce col, mais j'ai pris conscience du temps passé, c'est-à-dire de la transformation de cette montagne qui était une montagne pastorale, qui est devenue, on est du côté de Morzine, un des hauts lieux du tourisme d'hiver et d'été, et puis du fait que j'avais trois fois l'âge de mon père, que je faisais cette montée qui a été magnifique en plein jour, alors qu'il avait fait deux nuits. Donc je ne pouvais pas me mettre à la place de mon père. Et j'ai refait les lieux où il a été interné ensuite, Grünbad, où j'ai trouvé des traces, parce qu'il y avait beaucoup de gens célèbres, Manes Perber, Lucien Goldman, un grand ténor, Joseph Schmidt, et puis le second camp d'internement, où là, il n'y a pas de traces, parce qu'il n'y avait pas de gens célèbres, je pense. Et voilà, donc j'ai refait tous ces lieux, je suis allé au dernier domicile de mes grands-parents à Nice. Oui, j'ai refait certains lieux et je pense que ça apporte quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi, mais c'est important de remettre ses pas aussi, oui. À la recherche de Wolf Wieworka, décédé à Auschwitz en 1945. Auschwitz. Oui, en janvier 1945. Le lieu lui-même. Il ne reste pas grand-chose Auschwitz. Il y a des visites essentielles, ces visites à Auschwitz, tellement pédagogiques. Quand vous y allez, vous, Annette Vivorca, historienne, mais avec la volonté d'être sur les lieux de là où se trouvait quelqu'un proche de vous. Comment considérez-vous le lieu? Vous ne le voyez plus du tout comme un document, un lieu aussi est un document. J'y suis allé pour la première fois en 1988. J'étais prof au lycée Voltaire et Voltaire avait été choisi pour qu'il y ait une délégation de 10 élèves qui fassent ce premier voyage. Ce type de voyages sont devenus très courants. On part très tôt le matin, on visite Birkenau à Auschwitz et on rentre le soir. Donc j'ai fait ce premier voyage. Pour moi, ça a été une stupéfaction qu'il y ait ce voyage, parce que jamais je n'avais imaginé avant que c'était un lieu réel, quelque part. Voilà, un lieu réel où on y allait. Puis après, j'y suis retourné beaucoup de fois. Et j'ai d'abord tenté d'imaginer, j'ai jamais réussi à imaginer ce qu'avait été le destin de mes grands-parents. Et ensuite, j'ai connu plusieurs survivants que j'ai interviewés, dont j'ai préfacé les témoignages. Donc oui, je pensais à eux. Puis petit à petit, tout ça s'est détaché. Et je n'ai jamais pu rien imaginer. Je n'ai jamais, dans mes écrits, pris la plume moi-même pour raconter quelque chose d'Auschwitz. J'ai toujours utiliser la citation de ceux qui y avaient été. Et c'est à la fois, disons, une incapacité de mon imagination. Mais en même temps, je pense que ce sont des histoires auxquelles il est très difficile, voire impossible de s'identifier. Et quand on écrit sur quelqu'un, même quand on cite, quand on écrit sur quelqu'un, quand on fait un portrait, il y a toujours une part d'identification. Et celle-là, peut-être que je ne peux pas, ou peut-être que je ne veux pas, ou peut-être les deux. Peut-être les deux. Il est difficile, effectivement, de se mettre à la place d'eux. Parce que c'est vraiment ça, oui, la difficulté. Vous réussissez, Annette Vivorca, à ne pas vous mettre à la place d'eux parce que c'est impossible. Et vous apportez ce supplément de narration grâce à votre travail d'historienne. Ça, on sent qu'il y a cette démarche. Vous avez évoqué vos enfants, vos petits-enfants, tombeaux. C'est aussi cette volonté de transmission, de transmettre, mais pas seulement cette histoire-là, de transmettre des vies au sens de charnel, de gens heureux, de gens qui ont vécu et de gens dans le désespoir. Oui, oui. Bon, je ne vais pas paraître plus altruiste que je le suis. Hein. Je n'ai pas pensé à... Je n'ai pas tout le temps pensé à ma descendance. J'ai plus pensé à mon ascendance. Donc... c'était plus un besoin qui était aussi le mien et que j'ai ressenti depuis très longtemps. Cette curiosité et ce besoin de savoir en fait d'où je venais. Et refaire vivre ces gens dont on n'a eu que quelques photos, parfois pratiquement aucune photo. Du côté maternel, l'appartement a été pillé. Il n'y a aucune photo de ma mère enfant. Voilà, donc c'est... Oui, c'était ça mon désir. Que ces gens dont la vie avait été courtée aient une nouvelle vie. Merci vivement, Annette Vivorca, Tombeau, autobiographie de ma famille, publiée au Seuil, et puis je rappelle les années chinoises hein, chez Stock. C'est aussi ça, c'est cette narration, vous en parlez, vous, là, et puis après, nous, en tant que lecteurs, nous vivons aussi une histoire. C'est un moment particulier, cette lecture. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Et nous retrouvons tout de suite Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment Daniel Roche nous a raconté l'histoire de Jacques-Louis Ménétra. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à un savant qui a joué un rôle décisif dans la formation des historiens sociaux de ma génération. Il s'agit de Daniel Roche, qui nous a quittés le 19 février 2023. J'ai choisi de présenter son œuvre immense en me limitant à l'un de ses premiers livres, une édition critique du journal de Jacques-Louis Ménétra, un compagnon vitrier du XVIIIe siècle, né en 1738 et mort en 1812. Bien qu'il ait appris à lire et à écrire, Ménétra était un autodidacte qui ne maîtrisait pas les codes de la culture classique. Il lui arrive souvent, dans son journal, de reproduire la phonétique des mots qu'il a seulement entendus, sans les avoir lus. Il ignore les signes de ponctuation et use d'une syntaxe hésitante. Pour rendre accessibles ses propos au public d'aujourd'hui, Daniel Roche a donc dû entreprendre un minutieux travail de traduction du manuscrit. Il a ensuite mobilisé ses immenses connaissances concernant l'histoire du peuple de Paris à l'époque des Lumières pour replacer ce journal dans le contexte de l'époque. Ménétra évoque les grandes étapes de sa vie, depuis sa jeunesse errante et turbulente de compagnon vitrier jusqu'à son installation comme maître artisan à Paris. Les commentaires de Daniel Roche collent au plus près du texte de Ménétra pour en tirer des informations permettant d'éclairer, au-delà de ce cas particulier, toute l'histoire sociale du petit peuple parisien. On découvre alors le niveau exceptionnel qu'avait atteint l'alphabétisation des jeunes hommes dans la capitale, le rôle essentiel que jouaient les relations familiales dans leur trajectoire sociale. Daniel Roche met également à profit les pages où Ménétra évoque son travail pour expliquer en quoi consistait le métier de vitrier au XVIIIe siècle. On apprend ainsi que ces artisans ne se contentaient pas du vitrage des maisons, des châteaux, des églises, mais qu'ils fabriquaient aussi des réverbères et des objets décoratifs divers. Daniel Roche insiste beaucoup également sur ce que le journal de Ménétra nous apprend concernant la vie affective du peuple parisien dans les décennies qui ont précédé la Révolution. Ces nombreuses aventures amoureuses sont évoquées en même temps que les multiples rixes dans lesquelles il a été pris au cours de sa vie. Son journal nous donne à voir un monde tellement saturé de violence qu'on a du mal aujourd'hui à l'imaginer. Le récit de Ménétra est instructif aussi pour comprendre son engagement dans le mouvement des sans-culottes pendant la Révolution et le désenchantement d'un petit peuple qui finira par se rallier à Napoléon Bonaparte. L'édition de ce journal n'est qu'un petit aspect de l'œuvre immense que nous devons à Daniel Roche à la croisée de l'histoire urbaine, de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle. Néanmoins, la vie de Jacques-Louis Ménétra y occupe une place spéciale, comme un fil conducteur que le grand historien a suivi du début jusqu'à la fin de sa carrière. Ce n'est donc pas un hasard si son dernier ouvrage, coécrit avec une équipe de spécialistes français et canadiens, publié il y a quelques mois, est consacré aux autres écrits inédits de Ménétra. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Alexandre Manzanares. Merci aux équipes techniques de Radio France. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vudès, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.